الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا مجلسنا الثاني في دراسة هذه الرسالة للشيخ عبد المحسن العباد بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا ويحكم فيق يا شباب فوقفنا عند قول المصنف حفظه الله تعالى ففي هذه القصة أن 2000 من الخوارج رجعوا عن باطلهم للإيضاح والبيان الذي حصل من ابن عباس رضي الله عنهما وفي ذلك دليل على أن الرجوع إلى العلم فيه السلامة من الشرور والفتن وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون voici notre deuxième assise autour de l'étude de cette risala de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad et le titre de la risala avec quelle raison et dans quelle religion le fait de poser des bombes et de détruire est un combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Réveillez-vous jeunes. Et on s'est arrêté à la parole d'El Cheikh Hafidhahullah Ta'ala qui dit dans cette histoire, c'est-à-dire dans l'histoire d'El Khawarij avec Ibn Abbas, l'histoire du débat entre Ibn Abbas radiallahu anhuma et El Khawarij, dans cette histoire, 2000 parmi El Khawarij sont revenus de la voie fausse sur laquelle ils étaient. Ils sont revenus par l'éclaircissement, hein, par l'éclaircissement qu'il leur a fait Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et ça, dans cet acte-là, dans cette histoire-là, il y a une preuve comme quoi il faut revenir vers les hommes de science. Et le fait de revenir vers les hommes de science, c'est la voie de la paix, c'est de la voie de la sécurité, c'est la voie pour être épargné de toute forme de perturbation, pour être protégé de toute forme d'ambiguïté et de toute forme de mal, hein. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cet ordre dans le Coran, c'est-à-dire dans le sens approximatif du verset, demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. وَمِمَّا يَدُلُّ يَقُولُ الشَّيْخَ حَفِظَهُ اللَّهُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ خَيْرٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ يَزِيدِ الْفَقِيرِ قَالَ كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته ويقول وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله يعني الذي يبعثه فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس إيه؟ Ce qui prouve que le fait de revenir vers les hommes de science est un bien pour les musulmans dans tout ce qui concerne leur vie et dans ce qui concerne leur religion. Prouve ceci aussi ce qui a été rapporté par l'imam Muslim dans son authentique El Hadith pour le numéro 191. Yazid al-Faqir a dit: j'ai aimé et j'ai pris une opinion d'Yal Khawarij. J'ai adopté une opinion d'Yal Khawarij et je suis sorti avec une bande. Il a appelé le terme bande, Isaba. Je suis sorti avec une bande, hein, avec un certain nombre. Et nous sommes allés pour faire le pèlerinage. Et nous avons l'intention de se révolter contre les gens, de sortir contre les gens, de prendre les armes contre les gens. Et nous sommes passés par Médine, et là, nous avons trouvé Jabir ibn Abdillah. Parlons aux gens, citons des hadiths aux gens. Il était assis adossé à un pilier, il parlait, il rapportait des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Et tout d'un coup, il parle des hommes de l'enfer. Il parle de ceux qui sont en enfer, Jahannamiyin. Et je lui dis, ô compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que vous dites là? C'est quoi ce hadith que vous annoncez? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Seigneur, quiconque que tu fais rentrer dans le feu, tu le couvres d'ignominie, et les injustes n'ont point d'allié. Et il lui dit, et Allah encore dit, dans cette traduction approximative du sens du verset, toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et il a dit, Jabir a dit, est-ce que tu lis le Coran? Il lui a dit oui. Et il lui a dit, est-ce que tu as entendu parler de la position de Muhammad alayhi salatu wassalam quand il sera ressuscité? Hein? Il lui a dit oui. Il lui dit donc, cette position louable du prophète alayhi salatu wassalam, c'est par cette position-là, au moment où le prophète va intercéder pour que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir des gens de l'enfer. Hein? Et après, Abdullah ibn Jabir commence à leur décrire le pont, Sirat. Hein? Et comment les gens vont passer sur Sirat. Et Yazid al-Faqir nous dit que j'ai peur de ne pas voir tout mémorisé. Et il a dit, mais seulement, c'est que j'ai retenu que Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, hein, a dit qu'il y a des hommes qui vont sortir de l'enfer après qu'ils aient séjourné en enfer. Ils vont sortir comme les branches du bois de l'ébène, c'est-à-dire noires, comme du charbon. Hein? Ils vont rentrer dans un fleuve, parmi les fleuves du paradis, ils vont s'y laver, et ils vont sortir comme des feuilles blanches, comme du papier blanc. Faqala, radiyallahu anhu, faraja'na, قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم وأبو نعيم هو الفضل بن دكين وهو أحد رجال الإسناد وقد أورد ابن كثير في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها حديث جابر هذا عن ابن أبي حاتم وابن مرضويه وغيرهما وهذا وهو يدل على أن هذه العصابة ابتليت بالإعجاب برأي الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار وأنهم بلقائهم جابر رضي الله عنه وبيانه لهم صاروا إلى ما أرشدهم إليه وتركوا الباطل الذي فهموه وأنهم عدلوا عن الخروج الذي هموا به بعد الحج وهذه من أعظم الفوائد التي يستفيدها المسلم برجوعه إلى أهل العلم. يزيد بن الفقير nous dit, ils nous sommes revenus à nous-mêmes, ils nous sont dit, hein, attention à vous. Vous voyez que ce vieux va mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous croyez que Jabir ibn Abdillah, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, va mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit, beaucoup parmi eux sont revenus. Hein? Alors raison. Hein? Sauf un homme. Sauf un homme parmi eux. Toute cette bande est revenue. Avec quoi? Avec le fait d'avoir rencontré un des savants de la communauté. Avec le fait d'avoir ouvert ses yeux, ses oreilles et son cœur aux paroles de ce compagnon du prophète, alayhi salam. Avoir ouvert son cœur et ses oreilles pour capter la vérité qui leur venait du prophète, alayhi salam, par l'intermédiaire de ce noble compagnon qui est Abdullah ibn Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhum jami'an. Et, comme il a dit Abu Nu'aym, et Abu Nu'aym ici qui rapporte l'histoire, il s'appelle Fadl ibn Dukayn, et c'est l'un des hommes de la chaîne de transmission. Et Ibn Kathir, rahmatullahi alayh, dans son interprétation, du verset, ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point, il a ramené ce hadith du Jabir, radiyallahu anhu. Il l'a ramené d'une autre chaîne de transmission, Ibn Abi Hatim, Ibn Mardawai et d'autres. Et cela prouve que cette bande a été prouvée, a pris les idées d'Al Khawarij, et qu'ils voyaient la mécréance du musulman qui tombe dans un péché capital, et qu'il était éternellement au feu de l'enfer. Et comme ils ont rencontré Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, il leur a montré, il les a éclairés, il les a orientés la bonne orientation, ils ont laissé le faux qu'ils avaient compris. Ils ont délaissé de côté le faux qu'ils avaient compris. Et ils sont revenus de cette idée d'Al Khawarij, de l'idée de sortir avec leurs armes contre les musulmans pendant le pèlerinage. Et ça, dit Cheikh Hafidhahullah, c'est l'un des plus grands points qu'on retient. Et l'une des grandes choses qu'on profite des hommes de science, c'est le fait de voir la réalité comme elle est, d'avoir la vérité, de revenir et de rester sur la vérité. C'est ça. فيقول الشيخ السحيمي حفظه الله تعالى تعليقا على هذا المقطع فهذه الفوائد التي ذكرها الشيخ أولا الفائدة الأولى أهمية الرجوع إلى علماء الأمة واستدل برجوع بعض الخوارج في عهد علي عندما ناظرهم ابن عباس وهذا يدل على أن الخوارج القدامى خير على علاتهم وضلالهم من الخوارج المعاصرين لأنهم لا يعملون في الظلمات فعلى بدعتهم وعلاتهم وضلالهم فإنهم لا يعملون في الظلمات وفي الخفاء وفي السراديب. Cheikh Souhaimi Hafidhahullah ta'ala, en commentaire de ce passage, dit, ces points à retenir de ce passage, il en sait un certain point, il dit, le premier point à retenir de ce passage, l'importance du fait de revenir vers les hommes de science. Et il a pris comme preuve le fait que ces Khawarij sont revenus, le retour des Khawarij, quand ils ont eu ce débat avec Abdullah ibn Abbas, quand ils ont accepté Abdullah ibn Abbas, et un débat avec eux. Et cela, dit Cheikh Souhaimi Hafidhahullah, prouve que les anciens Khawarij, malgré tout, l'égarement dans lequel ils étaient, ils sont mieux que le Khawarij du monde moderne, le Khawarij contemporain. Car ils ne jouent pas, ils ne commentent pas, ils ne fomentent pas dans les ténèbres. Malgré leurs innovations, malgré leur égarement, ils étaient clairs, ils ne travaillent pas dans les ténèbres et dans les secrets. Ils ne travaillent pas dans les cavernes, ni dans les montagnes, ni cachés, de tout le monde. وإنما يعملون بوضوح وقد أعلنوا رأيهم فناظرهم ابن عباس رضي الله عنهم المناظرة التي سمعتم ويا لها من مناظرة عظيمة ورجع منهم 2000 لما سمعوا الحق وفي هذا دلالة على أن مريد الحق يوفق للرجوع إليه ويهتدي إليه أما الذي غلبه هواه وغلبت عليه شقوته فهذا شأنه شأن الذين قال فيهم الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيه خيرا لا أسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني الشيخ سحيمي dire que ces khawarij anciens œuvrent en plein jour dans la clarté, ils déclarent leur opinion. Et quand Abdullah ibn Abbas a débattu avec eux, ce grand débat, et 2000 sont revenus. Quand ils ont entendu la vérité, ils sont revenus. Et ça, Cheikh Souhaïm dit, il y a une preuve dedans que celui qui cherche la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers la vérité. Celui qui cherche la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala l'accomplit dans sa recherche de la vérité, et Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Quant à celui qui est pris par ses passions, et que ses passions ont pris le dessus sur lui, hada, cette situation, c'est comme la situation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans ce verset. Dans la traduction approximative du sens de ce verset, « Et ne soyez pas comme ceux qui ont entendu, qui ont dit, nous avons entendu, ils n'ont rien entendu. Car les pires des bestiaux, chez Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui ne parlent pas, ceux qui n'entendent pas, et ceux qui ne sont pas doués de raison, hein, ceux qui ne réfléchissent pas. Et si Allah savait un bien en eux, il aurait fait qu'ils entendent. Hein. Et même s'ils entendent, ils vont se détourner, ils vont donner le dos. يقول الشيخ حفظه الله بعض الناس أي الشيخ سحيمي بعض الناس عندما تقول له تعالى اقرأ هذا الكتاب يقول لك نعرف الذي في هذا الكتاب إذن أنت لا تريد الحق ولو كنت تريد الحق لما جادلت هذه المجادلة الشيخ ده يعني notre attention de dire certaines personnes tu leur dis viens tiens lis ce livre et il te dit je sais ce qu'il y a dans ce livre le Cheikh il nous dit hein, celui-là toi, quand il agit ainsi, il dit, toi, tu ne veux pas la vérité. Car si tu voulais la vérité, tu ne vas pas controverser. Tu ne vas pas litiger ainsi. اقرا الكتاب وانظر او تعالى واستمع الى اهل العلم ماذا يقولون في هذه القضيه المعينه ثم انظر وتجرد من الهوى وتجرد للحق. فلذلك هذه فائده عظيمه ذكرها الشيخ وهي الرجوع الى العلماء. Donc, Cheikh, il dit, Cheikh Souhaïm Hafidahullah Ta'ala, il dit, lis le livre, et regarde ce qu'il y a dans le livre. Ou alors, viens écouter les hommes de science, qu'est-ce qu'ils disent dans telle situation. Dans la situation bien précise, qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi leur avis? Quelle interprétation ils ont? Et regarde, il médite, il dit, pouille-toi de tes passions. Laisse tes passions du côté, et sois quelqu'un qui cherche la vérité, et qui veut la vérité. Et il dit, c'est pour ça que ça, c'est un point géant à retenir. Ce point que Cheikh nous a cité, c'est-à-dire Cheikh Abdel Mohsin Abad, qui est le fait de revenir vers les hommes de science. ويقول الشيخ سحيمي حفظه الله ولكن كما قلت الذي يرجع إنما هو طالب الحق أما الذي تجارت به الأهواء حتى جرت في دمائه وعروقه وأشرب بها قلبه واختلطت مع دمه ولحمه فإنه قل أن يرجع إلا أن يشاء الله لأن الشيطان سول لهم وأملى لهم وأظهر لهم الباطل في صورة الحق يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن فانظر كيف راجع هؤلاء الشيخ de nous dire comme je vous ai dit auparavant celui qui revient c'est celui qui cherche la vérité quant à celui qui est pris par ses passions qui est pris par ses passions et que ses passions coulent dans ses veines comme hein et qu'il y a un but de son opinion, etc., et que ses opinions sont mélangées avec son sang et avec sa chair, celui-là, rarement qu'il revient, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Car Shaitan, hein, l'a leurré, et Shaitan lui a dicté, tout ça c'est la vérité, il lui a fait apparaître la vérité, hein, le faux, dans un visage du vrai, dans l'image du vrai, il lui a fait apparaître le faux, il a donné au faux une image vraie. Et c'est pour ça qu'il s'est fait avoir par ses passions, etc. Et Cheikh de citer un poème, il dit, et l'être humain périt pendant ses épreuves, quand il voit ce qui est bon, le mauvais en étant bon. Quand il voit ce qui est mauvais, bon. Et il dit, Habidallah Ta'ala, mais regarde comment ceux-là sont revenus. يقول حفظه الله فاستدل شيخنا حفظه الله بقصة جابر وكيف هذا الرجل الذي عزم على الخروج مع الخوارج في الحج وكان قد نوى أن يخرج في الحج ويشوش على المسلمين لكنه مر بالمدينة ومر على صاحب رسول الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهم لأنه هو وأبوه وجده مسلمون أي جابر بن عبد الله هو وأبوه وجده مسلمون لهذا قال الشيخ رضي الله عنهم وأرشدهم عبد الله بن جابر إلى هذا الإرشاد وبين لهم الطريق. وكان من عقيدة الخوارج أن من دخل في النار لا يخرج منها، ولم يسمعوا بهذه الأحاديث، واستدلوا ببعض الآيات، ولكنها آيات تعني الكافرين ولا تعني عصاة المسلمين. وما هم بخارجين؟ هؤلاء الكفار. لا يقضى عليهم فيموتوا؟ هؤلاء الكفار. ولا يخفف عنهم من عذابها؟ هؤلاء الكفار. ثم لا يموت فيها ولا يحيا؟ هذا في الكفار كذلك. أما عصاة الموحدين فإنهم لا بد أن يخرجوا منها ولو بعد حين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة، كما جاء في عدد من الروايات، من إيمان، رغم أنوف الخوارج. فدي الشيخ سحيمي حفظه الله تعالى، ديك الشيخ عبد المحسن العباد حفظهم الله جميعا، أبخي كم بروف سيت إستوار دو جابر بن عبد الله. Et comment cet homme qui avait l'intention de sortir, de se révolter, de sortir avec le Khawarij pendant le Hijj, pour prendre son arme pendant le Hijj, il avait cette intention pour perturber les musulmans pendant le pèlerinage, mais en étant passé par Médine, en ayant rencontré le compagnon du prophète alayhi salam, Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhum, et là, Cheikh, il emploie au pluriel. Pourquoi? Parce que Jabir, il est sahabi, son père était musulman aussi, son grand-père aussi, tous ils étaient des sahabas, radiyallahu anhum. Son père et son grand-père. C'est pour ça qu'il a dit radiyallahu anhum. Et Jabir ibn Abdillah les a orientés, les a orientés vers le bien, les a éclairés, leur a montré le chemin clair. Et ça, ça te prouve une chose, c'est que les hommes de la vérité, et ceux qui sont sur la vérité sont une clémence pour les créatures. Sont une clémence pour les créatures. Et faisait partie du dogme d'Al Khawarij, des croyances d'Al Khawarij, que celui qui rentre dans le feu, dans l'enfer, il n'en sortira pas. Dans le dogme, dans les croyances d'Al Khawarij, celui qui rentre dans le feu, il n'en sortira pas. Ils n'ont pas entendu ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas entendu aussi ces versets de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et les hadiths qu'ils ont, les versets qu'ils ont, avec lesquels qu'ils prennent comme preuve, ce sont des versets qui concernent les mécréants, qui concernent les associateurs, qui concernent les non-musulmans, Comme dans les versets, ils n'en sortiront pas. Ça, c'est qui? Ce sont les associateurs, les mécréants, Et ils vont pas y mourir. Ça concerne les associateurs et les mécréants et les non-musulmans, Et le châtiment ne leur sera pas allégé, et ça concerne aussi les associateurs, les mécréants et les non-musulmans. Et ils ne vont pas y mourir, ni, Ça concerne aussi les mécréants, et ça ne concerne pas les unificateurs. Quant aux pécheurs, aux unificateurs qui tombent dans les péchés, si Allah subhanahu wa ta'ala les châtie, et ça, c'est par justice, ils vont sortir. Même après un laps de temps qu'ils vont passer, le temps qu'aura décidé Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont sortir du feu de l'enfer. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que sortira du feu de l'enfer celui qui a un atome de foi dans son cœur. Malgré le désir de Khawarij qui veulent le faire éternel au feu de l'enfer, ils vont sortir. Parce que le prophète alayhi sallam, il ne parle pas de ses propres passions. Et il a dit dans maintes hadiths que les unificateurs, ceux qui ont un atome de foi, vont sortir du feu de l'enfer. On va pas laisser la parole du prophète alayhi salatu wassalam à ses révoltés et à ses excités de la société. وجاء معنى الحديث الذي سمعتموه والذي أورده شيخنا حفظه الله تعالى أنه ناسا يخرجون من الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتحشوا يعني صاروا سوادا ومثله كعود السماسم من السواد ويوضعون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت البقلة في الحقل أو في حميل الوادي ثم يخرجون ويدخلون الجنة بعد أن ينشأهم الله نشأة أخرى ينعم عليهم الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم ويخرجون من النار بماذا؟ بفضل التوحيد. Et d'autres hadiths sont venus dans ce sens-là. Les hadiths que nous avons entendus, il y a d'autres hadiths qui sont venus. Hein? Cheikh, il a cité certains hadiths. Il y a aussi beaucoup de hadiths qui vont de ce sens-là. Que des hommes vont sortir du feu de l'enfer par l'intercession du prophète, alayhi salam. Ils vont sortir, hein, alors qu'ils sont dans leur couleur comme comme un charbon, hein. Ils sont noirs, hein. Et l'exemple aussi, il a été donné aussi, ils vont sortir comme le bois de l'ébène. Le bois de l'ébène, il est noir, hein. Et ils vont être jetés dans un fleuve qui s'appelle le fleuve de la vie. Ils vont pousser qu'on pousse les épinards. Hein? Qu'on pousse les épinards au bord du fleuve, ou là qu'on pousse les épinards dans un champ. Ils vont sortir, hein, de ce fleuve, ils vont rentrer au paradis. Après que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné leur forme. Ils vont rentrer au paradis après que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une autre forme. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala les comble pourquoi? Pourquoi il le comble Allah subhanahu wa ta'ala? Il est comme parce qu'ils sont des unificateurs. Parce que ils sont des unificateurs. فهؤلاء الذين قابلوا جابر رضي الله عنهم رجعوا كلهم ما عدا شخص واحد لأنه كما تعلمون أن بعض الخوارج يظن أنه هو وحده الذي بقي على الحق. وقد ذكر أحد الدعاة الذين كانوا في أفغانستان بان الجهاد ضد الروس وقابلوا رجلا ما تأثر بالتكفيريين لأنه كان مع الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى. والذين جاهدوا مع جميل الرحمن لم يتأثروا بالتكفير. لماذا؟ لأنه على منهجه للسنة والجماعة. ولذا قضى عليه الخوارج الموجودون هناك. يقول هذا الداعي: جاءنا شخص وناقشناه وحاولنا أن نقنعه بالحق وبالعدول عن مذهب الخوارج، إلى درجة أنه وقف وقال لهم: لا أعلم مسلما على وجه الأرض إلا أنا. رأيتم الضلال؟ لا أعلم مسلما على وجه الأرض إلا أنا. كل الناس كفار عنده، وهذا ليس ببعيد عنا. متى كانت حربه؟ ها؟ جهاد الأفغان ضد الروس، ليس ببعيد. ها؟ ceux-là qui ont rencontré جابر بن عبد الله رضي الله عنه، tous sont revenus sauf un seul homme n'est pas revenu. Et comme vous le savez, certains khawarij croient, même si un khariji il est tout seul, il croit que c'est lui le seul qui existe sur terre dans la vérité. Le seul à tenir la vérité, c'est lui. Et certains du'at, pendant la guerre, hein, le jihad qu'avaient les Afghans contre les Russes, ils ont rencontré, ils racontent cette histoire au Mashaykh, qu'ils ont rencontré un homme qui n'a pas été atteint par l'esprit d'Yal Khawarij. Pourquoi cet homme n'a pas été atteint par l'esprit d'Yal Khawarij d'Yal Tkfirin? Parce qu'il était avec Jamil Rahman, rahmatullahi alayh. Et ceux qui ont combattu, qui étaient dans le camp de Jamil Rahman, rahmatullahi alayh, n'ont jamais été influencés par Tkfir. Pourquoi? Parce que ils sont sur la voie du Puzayur, d'Allah alayh. Ils sont sur la voie des hommes de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. C'est pour ça que le Khawarij ont assassiné Jamil Rahman, rahmatullahi alayh. C'est pour ça qu'ils l'ont assassiné. Hein? Les Khawarij qui étaient là-bas à cette époque ont assassiné Jamil Rahman tout simplement parce que il ne voit pas, il n'a pas les mêmes idées qu'eux. Il fait pas partie des Khawarij, il porte pas l'esprit des Khawarij. Il dit, ce prêcheur raconte cette histoire aux mashayikh, il leur dit: un homme est arrivé, nous avons débattu avec lui. Et nous avons essayé de le convaincre pour la vérité. Et pour qu'il délaisse, hein, la voix et l'esprit d'Al Khawarij. Tellement le débat était long avec, à un moment donné, il s'est levé, il a dit: je ne connais pas un musulman sur terre, sauf moi. Ça veut dire que toute la terre, là, la guerre contre les Afghans contre les Russes. Il y a combien? C'était hier. Hein? Il n'y a pas longtemps. Hein? Donc à peine une vingtaine d'années, un peu moins. Il dit, cet homme-là se lève et il dit: je ne connais pas un musulman sur terre à part moi. Ça veut dire que toute la terre pour lui n'est pas musulmane. Et qu'il n'y a plus un musulman sur terre à part lui. Ça veut dire que le Khawarij, dans leurs idées, si tu ne portes pas leurs idées, tu n'es pas musulman, l'aïdhan billah. واحدهم في بلد ما من بلاد المسلمين يقول لا أعلم مسلما على وجه الأرض، خطب قبل 7 سنوات في بلده أن لم يبقى مسلم على وجه الأرض إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند، عياذا بالله. Il y a un autre homme, il y a 7 ans, dans un pays de l'islam, hein, a fait une khutba. Il s'est levé et il dit dans sa khutba, je ne connais pas de musulmans sur terre à part moi et ma femme et un homme dont on parle en Inde. Il y a 7 ans. Lui, sa femme et un autre homme qui est en Inde. C'est-à-dire que il y a 7 ans, il a fait kuffar tous les musulmans de la terre. 2 milliards de musulmans à peu près, ils sont tous kuffar à part 3 personnes. L'ayadhan billah. Vous voyez un petit peu l'ignorance où est-ce qu'il amène. Comme disent certains savants, est-ce qu'il y a des raisons qui se vendent pour qu'on les achète à ceux-là? Qu'ils raisonnent un petit peu. Ils n'ont pas de raison. Hein, il faut leur acheter des raisons si les raisons se vendent. Hein? ولذلك أقول لكم يقول الشيخ حفظه الله تعالى ولذلك أقول لكم أن خوارج هذا العصر أشقى من الخوارج القدامى وكلهم على ضلالة وشر وكلهم كلاب أهل النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يقتلون ويفجرون في كل مكان ولا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة شأنهم شأن المنافقين شأنهم شأن الخوارج القدامى إن لم يكونوا أشد منهم. Le Cheikh Hafidahullah Ta'ala dit, je vous dis que les Khawarij de notre époque sont pires que les Khawarij anciens, que les anciens Khawarij. Tous, ils sont dans l'égarement. Tous sont mauvais. Tous sont méchants. Tous sont les chiens des hommes de l'enfer. Et cette description, c'est le prophète alayhi salam qui les a décrits ainsi. Les chiens des hommes de l'enfer. Ceux-là qui tuent, hein, et qui bombardent les gens. Et qui font sauter les gens et qui posent des bombes, etc. En tout lieu, que ce soit en pays de l'islam ou ailleurs, hein, ils ne prennent en considération pour rien les croyants, les innocents, etc. Ceux qui sont, hein, sous la protection, etc. Rien du tout. Aucune considération. Leur situation des chers, c'est comme la situation des hypocrites. Et leur situation, c'est comme la situation des khawarij d'autrefois. S'ils ne sont pas pires que, s'ils ne sont pas pires que. يقول الشيخ حفظه الله إن الخوارج القدامى لم يشتغلوا في الظلام ولم يعتدوا بهذه الطريقة وإنما قد أعلنوا منهجهم على ما عندهم من ضلال لكنهم واضحون. أما هؤلاء كما قلت لكم غير مرة ضموا إلى مذهبهم الخارجي تقية الرافضة فصاروا منافقين يظهرون ما لا يبطنون يرحمك الله. Cheikh de nous dire, les Khawarij anciens n'ont pas travaillé dans les ténèbres, hein, en secret. Hein, mais ils étaient apparents et ils déclaraient ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas commis ce que commettent. Ils n'ont pas pris la voie qu'ont pris les Khawarij du monde moderne. Mais ils ont déclaré leur voie. Malgré, avec l'égarement dans lequel ils sont, ils ont déclaré leur voie. Ils étaient clairs. Quant à ceux qui vivent parmi nous, comme Cheikh nous l'a dit à plusieurs reprises, il dit, ils ont rajouté à la voix d'Yal Khawarij, hein, la taqiyya d'Yal Rafida, le mensonge. Hein. Et donc, ils sont devenus des Cheikhs, des hypocrites. Ils font apparaître ce qu'ils... Ils font apparaître... Il nous faut, il y a des choses qu'ils cachent, il y a des choses qu'ils apparaissent. Ce qu'ils cachent est différent de ce qu'ils font apparaître. Et chez eux, le but justifie les moyens. Et chez eux, le but justifie les moyens. ولذلك يشتغلون في الخلوات والسراديب والأودية يعني خلف السطور ولو كانوا صادقين فليعلنوا حتى يبين لهم الحق لكنهم تتلمذوا على أناس باعوا عليهم الجنة وأعطوهم سكوك الغفران مثل سكوك القساوسة قساوسة النصارى أعني يقول الشيخ عن المنظرين الذين يسمون بزعماء الصحوة ولا صحوة عندهم إنما هو مذهب الخوارج التكفيري أعطوهم سكوك الجنة وربطوا بأنفسهم هذه المفرقعات وفجروا أنفسهم وقتلوا العشرات وجرحوا المئات من المسلمين بأي كتاب أو بأي سنة أيها الجهال أيها السفهاء أيها الخوارج، أيها المتمردون على علماء الأمة، أيها الخارجون على الأمة، أيها الذين هم أجهل من حمر أهلهم. C'est pour ça que ces khawarij ont travaillé dans les ténèbres, dans les forêts. Hein? Et il est en Europe des gens qui disent la vraie science, il faut aller la chercher dans les montagnes, dans les forêts. Hein? Hada, la vraie science, hada, c'est pas la vraie science. La voie d'y aller tkfir, la voie d'être hein, la victime et de devenir hein, la chair à canon, tu vas la chercher là-bas. C'est ça que tu vas chercher là-bas. Mais la voie de la science et la science, tu la cherches dans la clarté. Dans la clarté, c'est les hommes de science, pas dans les ténèbres, pas dans les trois rats, pas dans les tavernes dans laquelle il y a que l'hyène et qu'il y a du poison, que des vipères, etc. Il y a que du mauvais là-bas. Hein? Parce que ça, on l'entend. Si on dit, hein, pour apprendre la science, vous allez dans la montagne. Va dans les montagnes là-bas. Là, dans la montagne, il n'y a que du mal. Dans les ténèbres et dans les trois rats, il n'y a que des rats. Hein? Il n'y a que du venin. C'est tout. Donc ceux-là, ils se préoccupent avec... Hein? Ceux-là, c'est khawarij moderne. Dans les déserts, dans les montagnes, etc. Dans les cavernes et dans les fleuves, etc. Ils se cachent. Quand on se cache, c'est qu'on a quelque chose à cacher. C'est qu'on n'est pas sur la vérité. Quand on est sur la vérité, on base son visage découvert. On ne va pas se cacher. Et quand on a quelque chose de vrai, on la déclare. Point final. Pourquoi se cacher? Ne se cache, hein? Regarde, il y a un exemple simple. Tu prends un animal comme le chat. Si tu lui donnes un morceau de viande, il le mange devant toi. Mais s'il le vole, il va où? Il se cache. Quand tu es dans le mal, tu te caches. C'est tout. Il n'y a pas. On est dans le mal, on se cache. Et donc... Mais s'ils étaient véridiques, dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, ils vont déclarer comme ça, ils vont se déclarer, et la vérité va leur être montrée. Et ils seront éclairés par les hommes de science sur la vérité. Mais comme ils sont des disciples à des gens, ils sont des disciples de gens qui leur ont vendu le paradis, et qui leur ont hein, donné la confession, comme la confession des Cheikhs via les curés. Hein? C'est-à-dire, il parle d'ici des penseurs et des têtes. Ces têtes-là ont vendu le paradis à ces jeunes, à ces pauvres jeunes, qui n'ont pas de science, qui n'ont pas d'expérience, qui ne connaissent pas la voie du plaisir d'Allah Alim. En contrepartie, si ils s'explosent, ils ont le paradis. Contre eux, et le paradis, il n'y a que le fait de s'exploser, ou de se tuer, et de tuer. Voilà. Hein? C'est pour ça que tu les vois, les pauvres msakin, hein? On cherche à canon, par-ci et par-là, ou là ils partent en poussière, hein, ici ou là, ou, hein, dans un métro ou là ailleurs. Et ils se tuent, ils tuent une dizaine de d'innocents avec eux, une centaine ou la voix, ça dépend des voix, et ils blessent beaucoup de monde, et ils ramènent beaucoup de mal à la communauté. Ils ramènent beaucoup de mal à la communauté. Et noircissent l'image de l'islam. Cher de nous dire, dans quel livre, et dans quel sunna, ou ignorant, donc il livre, ou donc il sunna, ou insensé, donc il livre, et donc il sunna, ou donc il sunna. Ya khariji, ô toi le kharijit, ô toi qui s'est révolté contre les savants de la communauté, ô toi le révolté de la communauté, hein, ou vous qui êtes plus ignorant que les ânes de vos familles. Ainsi le décrit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Ou vous qui êtes ignorant, vous êtes plus ignorants que les uns de vos mains. Donc il livre, donc il sunna. Hein? Ceci est permis. Aina aqulukum yaqulu al-shaykh, indama bi'tum anfusakum li ha'ula'i az-zu'ama yumawwilunakum min al-kharij wa yandassunahum fi as-saradib wa ya'ishuna fi bilad al-kufr fi al-gharb wa al-sharq wa yahuttunakum 'ala al-khuruj 'ala ummatikum fatastamri'una dhalik wa tastahillunahu wa qad a'tawkum sukuk كصكوك الرهبان والأحبار والقساوسة والأساقفة الذين يعطون النصارى صكوك الغفران زعما منهم بأن الجنة ليس بينكم وبينها إلا أن تفجروا مجمعا سكنيا فيه المئات من المسلمين المئات من الأبرياء شيخ de nous interpeller et d'interpeller toute personne qui veut du vieux de la voix. Où sont vos cervelles? Où sont vos raisons? Quand vous avez, vous vous êtes vendu à ces leaders, ces leaders qui sont financés de l'extérieur, ces leaders qui sont cachés dans les cavernes et qui vivent dans les pays de mécréance, à l'est et à l'ouest, et qui vous poussent à se révolter contre votre communauté, hein, et que vous trouvez ça bien et vous faites de cet acte un acte licite, alors qu'ils vous ont donné, hein, les clés du paradis, le pardon, ce coquelorfran, hein, comme le font les curés pour, hein, leurs ouailles. Prétendons que le paradis, contre vous et le paradis, il n'y a que le fait, pour vous, le fait de mettre une bombe dans un complexe dans lequel habitent des gens, et que des innocents partent en poussière, et que ce bâtiment part en poussière, etc. ومنهم من وجد الشيخ يتكلم هنا عن قضية وقعت في رمضان منذ سنتين والرسالة هذه كتبت منذ سنتين كتبت سنة 1424 للهجرة الشيخ ici il décrit le sujet par rapport à un événement qui s'est passé à Riyad en plein mois de Ramadan il y a deux ans et la risala aussi a été écrite il y a deux ans et الشيخ a expliqué c'était la risala dans le haram de Médine en plein Ramadan. يقول ومنهم من وجد تحت الأنقاض وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل. نعم وجد منهم امرأة بل ورجال كانوا يقرؤون في المصحف يتهجدون ويتقربون إلى الله في رمضان. فيقول الشيخ ادعوا عليهم أيها الإخوة أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وأن يرينا فيهم عجائب قدرته عاجلا غير آجل أو يردهم إلى الجادة أي أن يرد من لم يقترف منهم هذا المنكر وأن يبصره في دينه ويرده إلى الجادة. Il dit, quand il y a eu pour cet événement auquel il fait allusion, il y a eu la destruction de toutes les immeubles. Et dans les décombres, il s'est trouvé des gens qui étaient en train de lire le Coran. Le Coran dans les mains, ou le Coran devant eux, des pages du Coran ouvertes. Une femme devant son Coran, morte devant son Coran. Il y avait des hommes qui lisaient. Ça veut dire que c'était en plein Ramadan, il y avait des gens qui se rapprochaient à Allah, Zawajal, avec la lecture du Coran, avec la prière de nuit, etc. Et Cheikh Hada a demandé aux pèlerins, à ceux qui sont là pendant le mois de Ramadan à Médine, de faire des du'as contre eux. Faites des du'as qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve la communauté d'eux. Et que ceux qui n'ont pas commis ces crimes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse revenir à la vérité et qu'il leur donne la clairvoyance dans leur religion. يقول الشيخ أقول هذا الكلام لأنه نقل إلي أنه ما زال يوجد من الناس من يدافع عنهم ويرى أنهم على حق. الشيخ il dit je dis ces paroles parce qu'il m'a été rapporté qu'il y a encore des gens qui leur donnent raison, qui donnent à ces criminels raison, ils leur donnent raison, hein. Et moi j'ai entendu un jeune dans une mosquée s'élever, il a dit après le 11 septembre si on avait 314 homme comme Bin Laden, bah on aurait le triomphe. Par Allah, il a une raison. Par Allah, il réfléchit. Hein? 314 hommes, ça veut dire, tu veux envoyer la communauté, hein, à l'anéantissement. Regarde, déjà un perturbateur, ce qu'il a fait de la communauté. Regarde combien de musulmans sont morts en Afghanistan. Regarde combien ils meurent en Irak. Et comment si tu avais 314 comme lui? Subhanallah. Où sont nos raisons? Hein? Où il est la voix dans tout ça? Où il est la clémence d'Allah Azzawajal? Où il est la clairvoyance de cette religion? فَأَيُّ حَقٍ بَقِيَ عِنْدَهُمْ بَعْدَمَا قَتَلُوا الرُّكَّعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي وَبَعْضُهُمْ يَقْرَأُ فِي بَيْتِهِ وَقَتَلُوا الْأَطْفَالَ الرُّضَّعَ وَالشُّيُوخَ الرُّكَّعَ وَالنِّسَاءَ الْمِسْكِينَاتِ أَيُّ خَيْرٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَمَّسَهُمْ زُعَمَاؤُهُمُ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ وَيَمْلُونَ عَلَيْهِمْ سُمُومَهُمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فماذا بقي من تبرير يمكن أن يبرر لهم؟ انتبهوا إلى هذا الكلام الذي وضعه شيخنا رحمه الله وضعوه نصبح عمينكم دائما إذا سولت لأحد نفسه أن يخرج عما عليه علماء الأمة وربنا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشيخ يقول dit, avec quelle vérité? C'est quoi comme vérité qui reste chez ceux qui ont tué des gens qui sont en plein prière? qui ont tué des musulmans qui sont en plein de prière, qui ont tué des gens qui sont en train de lire le Coran dans leur maison, qui ont tué des enfants, des nourrissons, des personnes âgées en plein prière, des femmes, des pauvres femmes sont tuées. Quel bien est resté chez ces gens-là? Quel bien est resté chez eux? Ceux qui ont été excités par leurs leaders, et leurs leaders vivent dans les pays de mécréance, et injectent en eux leur venin, okay. Comment on peut leur chercher qu'ils ont raison? Comment on peut les excuser? Comment on peut leur trouver raison? Pourquoi ils ont raison? Et trouver des excuses alors là. Et chez Cheikh Abdallah dit, faites attention à ces paroles que nous cite Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Faites attention, car celui qui, dont son esprit vient à s'immiscer l'idée comme quoi, le fait de sortir des savants de la communauté, qu'il mette devant lui ces paroles de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Revenir aux savants, et ne pas sortir de la voie des savants de la communauté. Et, cher de ramener la preuve, il dit celui qui prend une autre voie que la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir connu la vérité, et prend un autre chemin que le chemin des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance. Et sa demeure sera l'enfer. Et quelle mauvaise demeure. Wa yaqulu al-shaykh, hafidhahullah, hada hadithun fi muntaha al-khutura. ويقول الشيخ ابن محسن العباد حفظه الله تعالى ويدل لخطورة الغلو في الدين والانحراف عن الحق ومجانبة ما كان عليه أهل السنة والجماعة قوله عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة رضي الله عنه أئن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام أي سندا ومعينا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك الرامي أو المرمي قال بل الرامي رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار وانظر الصحيحة للألباني رحمه الله تحت رقم 3201 وحداثة السن مظنة سوء الفهم يدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وعروة بن الزبير من خير التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين في عصر من العصور المفضلة قد مهد لعذره في خطئه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السن وهو واضح لأن حداثة السن مظنة سوء الفهم وأن الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلامة. Et Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad de nous dire, il prouve la dangerosité du fait d'aller dans l'extrême dans la religion et la déviation de la vérité, le fait de dévier de la vérité et d'être de l'autre côté de la voie sur laquelle sont les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Le hadith rapporté par Al-Bukhari dans le Tarikh et par Abu Ya'la et par Ibn Hibban, il est authentifié par Cheikh Nasser dans la chaîne des authentiques sur le numéro 3201. Hudayfa radiyallahu anhu nous dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la chose que je crains pour vous, c'est un homme qui a lu le Coran jusqu'à ce que le Coran imprègne sa personnalité et qu'il était quelqu'un qui aide sur l'islam et qui est un allié de l'islam, etc., et aide les musulmans, etc., il sort. Il sort, il donne le dos à le Coran et il prend son épée et il tue son voisin. Et il dit de son voisin, tu es associateur. Et il le tue. Tu ne peux pas le tuer comme ça. Il faut bien qu'il lui trouve un. Il faut qu'il devienne mécréant pour le tuer. Donc, il tue son voisin et il dit que tu es associateur et il le tue. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, qui est celui qui est dans l'associationnisme? Celui qui a tué ou l'a le tué? Rasulallah alayhi wa sallam a dit, celui qui a tué, c'est lui. L'associateur. Et Cheikh Hafidhahullah a attiré notre attention sur un point essentiel. Le fait d'être jeune, ramène, donne la mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension, elle est liée à la jeunesse. Et prouve tout ça, la preuve était la parole de, et ce qu'a rapporté l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, dans son authentique, avec sa chaîne de transmission à Hisham ibn Urwa, de son père, il a dit, Aïcha, Hisham ibn Urwa, le tien de son père, il dit, son père a dit à Aïcha, j'ai dit à Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, et à ce moment-là, j'étais jeune, regardez. Et à ce moment-là, j'étais jeune. As-tu dit à Aïcha, la parole d'Allah Azza wa Jal, certes, Safa et la Marwa font partie des emblèmes d'Allah, qui donc fait le pèlerinage ou la Umrah, doit faire le va-et-vient entre ces mots. C'est comme ça qu'on doit la comprendre. Mais lui, il lui dit que, lui, il a compris du verset le contraire. C'est-à-dire que le verset suppose pas de problème pour celui qui ne fait pas le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Quand Aïcha a entendu cette compréhension de Urwa ibn Zubayr, il fait partie parmi les nobles tabi'in, et parmi les grands tabi'in, radiyallahu ta'ala anhu arda. Aïcha lui a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Le verset, il dit qu'il faut qu'il fasse le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Si c'était ainsi, il y aurait la négation dans le verset. La négation serait exprimée dans le verset s'il ne devait pas le faire. Il lui a dit, ce verset est descendu sur l'Ansar, car autrefois l'Ansar dans le temps d'Al Jahiliya, donc il faut le Rihlal pour Manat, pour cette statue de Manat. Et Manat était à côté de Qadid et il ne faisait pas tawaf, le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Et quand l'islam est arrivé, ils ont demandé au prophète alayhi salam, et le prophète alayhi salam a instauré, il a dit, Safa et le Marwa font partie des emblèmes d'Allah azzawajal. Celui qui fait son pèlerinage ou qui fait sa Umrah, il doit faire le va-et-vient entre eux. Hada Urwa ibn Zubayr. Parmi les nobles successeurs du prophète alayhi salam, et parmi les 7 jurisconsultes de Médine, rahimahumullah jami'an, il a ramené une introduction et une excuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Une excuse dans sa mauvaise compréhension. Il a dit, à cette époque, j'étais jeune. Et ça, c'est clair que le fait d'être jeune ramène des mauvaises compréhensions. Et on suppose beaucoup de choses. Et que le fait de revenir à la science et aux hommes de science, c'est là où il y a la sécurité, où il y a le bien. Regardez, le problème qui a été posé sur Internet il y a quelques semaines maintenant. Et le problème est parti de Bruxelles. On demande une fatwa sur un sujet général à Cheikh Rajhi Hafidhahullah Ta'ala. Il donne le décret qui concerne une situation générale et on va la mettre sur un gouverneur du monde musulman. Subhanallah. Ça pourquoi? Parce qu'on est jeune, on n'a pas apprécié les hommes de science et parce que on suit ce que nous dicte notre raison. On est indépendant dans notre compréhension. On prend le large. Subhanallah. Et ça, regardez. Entre ce qu'on vient de lire et claquez-le sur notre réalité. Nous devons prendre le son. Ce que nous ramène, ce que nous ont écrit nos puisseurs, d'Allah alayhim. Il faut le voir. Leur parole, il va avec notre quotidien. Il va dire les situations dans lesquelles on se trouve. Et claquer les sur les textes qui passent devant nous. Les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Les événements que nous ont cités, nous puisèrent, d'Allah alayhi. Les interprétations qu'ils ont données. On se retrouve. Subhanallah. يقول الشيخ عبد صالح السحيمي حفظه الله هذا حديث في منتهى الخطورة رجل قرأ القرآن حتى إذا ظهر عليه ماذا ظهرت عليه بهجته ادعوا الله الثبات يقول الشيخ إلجأوا إلى الله أن يثبتكم فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الشيخ حفظه الله de dire ça c'est un hadith qui est dangereux. Il est aux extrêmes du danger. Un homme qui a lu le Coran. Vous savez que les lecteurs d'autrefois, c'est pas comme les lecteurs d'aujourd'hui. C'est pas la même chose. Hein? Un homme qui a lu le Coran. Jusqu'à ce que ce Coran apparaisse sur lui. Apparaît dans son comportement, dans sa façon, de faire. Et là, chéri, il nous demande de faire du dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et que, il ne tourne pas nos cœurs, parce que les cœurs sont entre deux doigts. Hein, entre les deux doigts d'Allah Azzawajal, entre les doigts d'Allah Azzawajal, il les tourne comme il veut. Hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme sur la voie. ولذلكم يقول الشيخ لا يجوز لمسلم ان يغتر بعمله مهما بلغ ذلك العمل فهذا حديث خطير جدا حتى اذا رؤيت عليه ماذا بهجته وهذا مثله يقول الشيخ مثل عبد الرحمن بن ملجم من افضل القراء حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسله إلى مصر ليقرأ الناس هناك ثم كان منه ما كان من قتل علي واستحلال ذمه عياذا بالله. C'est pour ça que Cheikh nous dit il n'est pas permis aux musulmans de se faire avoir par ses actes et d'être imbu de lui-même et de ses actes malgré le degré qu'il arrive dans ses actes. Il ne faut pas qu'il soit imbu de lui-même et de ses actes. Il dit ça c'est un hadith très dangereux. Donc elle dit jusqu'à ce que le Coran apparaisse sur la personne, dans la vie de la personne, dans son comportement, etc. Hein, il le met en pratique et tout ça. Et Cheikh de nous donner un exemple. À l'époque de Omar ibn Khattab, il y a un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljam. Et dis-toi bien, mets toujours le A sur le Jim. Parce qu'il y a un autre. Had Abdurrahman ibn Muljam. Avec A sur G. Jam. Hein. Il était parmi les grands lecteurs du Coran. À tel point qu'Omar ibn Khattab l'a envoyé en Égypte pour apprendre aux gens le Coran là-bas. Et après, il a tué Ali radhiyallahu anhu. Et après, il a rendu licite le fait de couler le sang de Ali radhiyallahu anhu. حتى رؤيت عليه بهجته ثم بعد ذلك أتاه الشيطان وفهم القرآن على غير معناه وحرفه وفق هواه وحمله ما لا يحتمل وضرب آياته بعضها ببعض وتنكر لمفاهيم السلف بفهمه الخاص فعمد إلى جاره فقتله واستحل دمه ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أيهما أولى بالشرك والكفر قال الذي حمل على جاره السيف وقتله والنبي يقول عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السيف فليس منا هذا لمجرد الحمل وهنا لأهل العلم تفسيرين ليس منا أي كفر وهذا في المستحل الذي استحل قتل المسلم وليس من هدينا هذا في الذي لم يستحل. Et Cheikh de nous dire jusqu'à ce que le Coran apparaît dans la vie de cette personne. Et après, Shaitan est venu s'immiscer dans l'esprit de la personne. Et il a compris le Coran. Hein? Je termine, c'est là, on va le faire. Donc, il a compris le Coran, pas comme il doit être compris. Et il a dépouillé les sens. Et il l'a compris selon ses propres passions. Et il a donné des significations à la parole d'Allah, Azzawajal, qui n'en sont pas. Il a fracassé les têtes des, versé les uns contre les autres. Et il a rejeté les compréhensions du puiseur d'Allah Alem, et il a mis au devant sa compréhension particulière. Et à ce moment-là, quand il est arrivé à ce point-là, il a pris son arme et il a tué son voisin. Et il a fait licite le sang de son voisin. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, qui est le plus à être dans la mécréance et l'association, il a dit celui qui a tué. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi dans un hadith, celui qui porte sur nous les armes, rien que le fait de porter les armes sur les musulmans, il n'est pas de nous. Il a dit, il n'est pas de nous. Et cette phrase, il n'est pas de nous, les hommes de science ont deux interprétations là-dessus. Il n'est pas de nous, ça veut dire qu'il est sorti de l'islam quand il rend licite le fait de tuer les musulmans. Quand il prend comme licite, il croit comme licite le fait de tuer. Et il n'est pas de nous, ça veut dire aussi la deuxième signification, il ne fait pas partie de notre voie et de notre guidée quand cet acte-là, il ne le prend pas comme licite. Il ne prend pas comme licite le fait de tuer les musulmans. فان ضاغط لا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم احسن الله اليكم جزاك الله خيرا وبعد صلاه العشاء ان شاء الله